Excusez-moi. Là, ça recorde. Donc, bon, alors, je crois que c'est le moment où c'est le moment de faire un petit bilan. Donc, on est le lundi 27 avril et il est 10h22. Et je crois que vous êtes en train d'écouter l'épisode 2 de Ego. Alors, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire un épisode d'Ego. Parce que j'avais pas mal de trucs à dire. En plus, j'avais même trouvé une espèce de forme pour le faire. Un côté balade où je pars de chez moi. Là, je viens de partir de chez moi. Et je vous emmène un petit peu à ce qu'il y a à proximité de chez moi. Pour vous montrer. On n'est pas très loin de certains trucs. Donc pourquoi un épisode d'Ego aujourd'hui? Parce que vous avez dû le remarquer, il n'y a pas d'épisode. Pas d'épisode classique, pas de capsule, pas de non plus épisode dit spéciaux. Parce que en fait c'est ma faute, mais j'ai pas réussi à trouver et du temps et peut-être même de l'énergie pour faire un truc. En gros, je vais essayer de résumer les choses. Donc vous avez bien compris que les épisodes classiques, on essayait de s'arranger pour en faire un tous les 15 jours. Ce qui permet que ça soit plus facile un peu pour tout le monde. Ça fait un épisode tous les 15 jours, on a 15 jours pour se préparer. Ça c'est nickel. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que cette année, il y avait peut-être un peu moins de groupes et qu'on pouvait faire moins d'épisodes. Et on a préféré faire des épisodes où Tonaï était tout le temps présent. Ah putain, mais je suis essoufflé, moi, c'est pas bon du tout, ça. Donc, on a misé là-dessus, sur le fait qu'on voulait que Tonaï soit présent. Alors, je m'en suis beaucoup moqué, et à juste titre, de toutes ces putains de vacances qu'allait avoir Tonaï. Mais c'est vrai que, en fait, il y aurait eu toutes ces vacances comme c'était prévu. C'est bon, vous auriez eu tous les épisodes comme c'était prévu. Et les épisodes bonus, en fait, auraient été des épisodes bonus quoi, en plus. Et au final, ils sont retrouvés à être venus là pour boucher des trous de qui auraient eu besoin quoi, comme là, là on n'aurait pas pu enregistrer il y a une quinzaine de jours. Donc le fait qu'il y a eu les épisodes sur le off du Leclerc, c'est plutôt bien tombé de ce côté-là. J'étais en train de regarder. Oui, j'ai un vin doux, je me dis, tiens, imagine, ça enregistre pas. C'est trop rigolo. Non, c'est bon, ça record. Donc on a préféré miser sur la présence de Tonaï sur le peu d'épisodes. Et malheureusement, comme il a perdu ses vacances, ça a rendu tout ça extrêmement compliqué. Là, pour essayer de vous donner un exemple, cette semaine, la semaine du 27 avril, Tonaï travaille du matin et moi d'après-midi. On enregistre les épisodes tous les 15 jours quand je suis d'après-midi, donc vers 22h. Et donc la question s'est posée de savoir si Tonaï allait venir à l'épisode et peut-être partir plus tôt et faire un peu comme par-ci. Partir plus tôt parce qu'il travaillait tôt le lendemain. Mais au final, la team a trouvé une petite astuce pour qu'on arrive à faire un épisode classique et comme il faut cette semaine. Bon, après, c'est pas très dur. Hein. Il se trouve que vendredi, c'est férié, donc on enregistre tous jeudi soir. Donc, on décale d'une journée, ce qui change rien pour vous. Lundi, normalement, vous aurez votre épisode classique. Donc, il y a cette première problématique, le fait que nos horaires avec Tonaï ne correspondent plus vraiment. Et comme ils ne correspondent plus vraiment d'un côté pour les épisodes classiques, ils ne correspondent plus vraiment non plus pour les capsules, parce qu'on ne peut pas enregistrer autrement que quand on tourne à peu près pareil. En fait, moi, je tourne sur 15 jours. Tonaï tourne sur 3 semaines. Donc, heureusement, il y a des moments où ça tombe bien. Mais comme il avait eu des vacances, on a arrêté d'anticiper. Et donc, on s'est retrouvé également sans capsule. Donc là, par exemple, on est à zéro et on attend de retrouver dans la même configuration de roulement pour pouvoir enregistrer tous les deux ensemble. Et pour vous dire la vérité, je ne sais même pas quand est-ce que c'est. Donc ça, c'est pourquoi cette semaine, il n'y a pas d'épisode. Parce que nos horaires ne concordent plus. En plus, j'ai pas voulu non plus rajouter un truc supplémentaire parce que il y a Bob et Parsi qui étaient en vacances la semaine dernière. Et il y a deux, trois trucs que j'essaye de privilégier, au minimum en tout cas, c'est les vacances. Les vacances et les week-ends. C'est quand même un rythme d'enregistrer tous ces épisodes et d'écouter tout ça et de faire tout ça. Et ça, et plus la vie quotidienne, je trouve ça important de garder un minimum, un minimum pour son propre bien-être de temps pour soi et en l'occurrence leur famille, pour pouvoir justement un peu décrocher. Donc là, ils avaient une semaine de vacances. Voilà, Tonal qui en avait 12, c'était quand même moins dérangeant de dire bah viens enregistrer des trucs sur 12 semaines. Bon, bah, bref, en tout cas, ils avaient leur semaine de vacances, donc ça, j'ai respecté ça. Et le week-end, je le respecte. C'est hyper important de justement de se dire qu'on a quand même 2 jours où, bah voilà quoi, c'est les 2 jours, ils sont pour se reposer ou pour faire les trucs qu'il y a à faire. Et on ne peut pas toujours demander aux gens d'être présents. Donc là, je m'apprête à arriver à un endroit. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dernièrement. Je ne sais pas ce qui a été dit ou pas dans le podcast. En tout cas, d'une manière générale, je suis en train d'arriver là au travail de Bob et maintenant aussi de Parsi. Voilà, donc là, j'y arrive tranquillement. Je suis à l'endroit où il travaille et j'espère que je vais y trouver mes poumons. Donc bien sûr, je ne vais pas y rentrer, c'était juste pour vous situer à peu près par rapport à chez moi. Vous voyez que c'est quand même pas très très loin. Et encore, je suis à pied. Apparemment, il n'y a aucun poumon à moi, donc je vais pouvoir repartir. Mais voilà, je suis à peu près à cette distance-là de chez du boulot de Bob et Parsi. On n'ira pas aujourd'hui jusqu'à chez eux, je pense, parce que il se trouve que j'ai quand même d'autres choses un peu à faire pour ça. Et je ne vais pas pouvoir faire un épisode d'ego de 40 minutes. Et je pense que ça intéresserait personne en plus au bout d'un moment. Donc bref, je reprends. Donc pas d'épisode spécial parce que bah, j'en avais plus sous la main. En fait, si j'aurais pu faire un truc, j'aurais pu bidouiller un truc. Et je l'ai pas fait. Enfin, j'ai essayé de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, un épisode spécial tous les 15 jours. Donc voilà, ça, je vous expliquais pourquoi on attendait. On privilégiait le fait que Tonaï soit là parce que c'est quand même plus sympa avec lui. Et parce que mine de rien, c'est quand même plus. Bah, c'est plus sympa en fait, tout simplement, quand on est tous ensemble. Donc si on peut se le permettre, voilà. Mais l'idée était quand même de pas vous laisser sans. De pas vous laisser sans épisode entre deux. D'où les capsules. Et là, comme je vous l'ai dit, bah, les capsules, il faut que Tonaï et moi, on tombe pareil pour pouvoir en enregistrer. Et que mine de rien, alors je m'en souviens vaguement par rapport à l'an passé, mais cette année on a quand même pas mal galéré à enregistrer justement les capsules. Mais après ça, c'est aussi lié à un autre point et je vais y arriver après. Et donc pas d'épisode spéciaux bah, parce qu'on n'en a pas enregistré, parce que en fait, comment vous dire, une fois que j'ai retiré les éléments Bob, Parsi et Tonaï, bah, il ne restait plus que moi. Et bah, en fait, moi j'ai bossé sur un truc en solo, un espèce de projet en plus qui serait dans la continuité de ce qu'on fait, mais en solo, pour un projet bien particulier, enfin pour une forme bien particulière. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai bossé dessus, j'ai préparé plein de trucs, j'ai même tourné des trucs. Pour vous dire, là on est lundi, samedi matin, j'étais encore dehors en train de tourner des trucs. Et en fait, il y a juste un moment donné où je me suis rendu compte que bah, en fait, je pourrais pas. J'y arriverai pas à sortir tout ça. C'est juste que je ne peux pas. Je ne peux juste pas. Enfin, matériellement parlant, il y a un moment donné, je ne peux pas parce qu'il y a les autres trucs à faire, parce que j'ai des épisodes à préparer aussi. Là, vous voyez, on est lundi, on enregistre jeudi, j'ai encore aucune chronique, aucune news de prête. J'ai bien sûr listé des trucs préparés, mais j'ai rien de rédigé. Et pour tout vous dire aussi, je vais revenir après là-dessus, mais demain matin, j'ai une interview, j'ai encore rien de préparé non plus. Mais c'est pas grave, je prends le boulot à 13h, je finis à 21h. Demain matin, je veux dire, je suis large, comme on dit. Donc voilà, donc oui, j'avais bossé sur un truc en solo qui aurait été un peu une espèce de format capsule où j'aurais parlé à la caméra pour parler de quelque chose de particulier. Ça aurait pu faire. En fait, c'était un truc que je voulais qu'il fasse tampon entre les capsules et les épisodes pour permettre justement, sans forcer. Sans forcer les gens à être toujours dispo pour moi, et ça me permettait moi de remplir quelque chose, ça me permettait de remplir la grille édito et au niveau de l'agenda, bah, ça permettait de compléter les trous quoi. Donc j'ai commencé. Alors je vous dis pas exactement ce que c'est parce que si jamais, parce que je vais être honnête avec vous, donc je ne sais plus trop où j'en suis dans le calendrier, parce qu'il y a plein de trucs qui sont rajoutés, qui fait que je suis un petit peu perdu, mais peut-être que ça se fera quand même parce que j'aime bien l'idée. C'est court, ça peut me permettre de faire des trucs un peu différents aussi. Donc j'aime bien l'idée, mais je garantis rien. Donc je vous dis pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, pour l'instant, je suis désolé. Parce que du coup, s'il n'y a rien à écouter aujourd'hui, bah, c'est entièrement de ma faute, quoi. C'est juste... bah, je me suis mal organisé d'un côté, j'ai pas assez bossé de l'autre, et j'ai pas réussi à produire ce nouveau truc, quoi. Après, ça me rassure parce que j'avais aussi un autre projet que j'ai déjà parlé à certains membres de la team, où j'avais le titre, j'avais tout. Pareil, bah, j'ai pas réussi à lancer le... J'ai pas réussi à lancer le truc, quoi. À un moment donné, je manque de temps. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé samedi. Une fois que je suis rentré, que j'ai regardé les trucs que j'avais tournés, qui étaient affreusement mal joués, on va pas se mentir. C'était affreusement mal incarné. Et ben, je me suis dit, tiens, c'est con. Visuellement, l'image était belle et tout, mais voilà. Donc, et puis donc suite à ça, je me suis dit, ben, peut-être qu'il faut tu te poses un peu, mec, peut-être. Et donc, bah, j'ai un peu lâché pour le week-end et j'ai fait des trucs classiques de week-end, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, encore une fois, je suis désolé si vous n'avez rien à écouter aujourd'hui, à part ce très très long monologue. Alors, maintenant, là, je suis de retour chez moi. Donc, je repars de chez moi et je vous emmène à un autre endroit. Après, le boulot de Bob est parti. Donc, voilà. Là, je reprends une autre direction en repartant de chez moi. Donc, je suis désolé pour ça, vous n'avez rien à écouter. Et en plus, c'était un truc un peu sous le format de capsule, donc vous auriez eu un espèce de mini-épisode tous les jours. Et ce qui était bien dans l'idée, c'est que je voulais que ça soit un truc aussi qui colle un peu pour les réseaux. Alors, forcément, vous n'avez pas commencé à me voir en gros plan avec des zooms et des polys géantes pour dire machin. Mais un truc un peu dans l'idée de faire une continuité, et puis encore une fois, de ne pas demander tout le temps et de ne pas attendre après la disponibilité des gens. Qui ont aussi une vie et qui seront déjà méga disponibles. Quoi. Que ce soit Bob, Parsi ou Tonaï, vraiment, ils se rendent méga toujours dispo. Et c'est toujours un problème que j'ai, parce qu'en fait, ils sont toujours dispo, ils se rendent toujours, et j'ai pas l'impression de leur rendre, comment dire, de leur rendre à leur juste valeur des trucs, quoi. Je me sens toujours un peu redevable de tout ce temps, alors surtout en plus que des fois je suis désagréable, des fois je leur parle mal, des fois je trouve qu'ils en font pas assez, alors qu'ils sont juste toujours dispo pour enregistrer des trucs. Bref, c'est la dure loi d'être patron, comme on dit, même si avant tout on est frères et sœurs avant, la team. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'épisode cette semaine, parce que j'ai été une feignasse. C'est comme ça que je le dirais. Et donc, on va repartir sur un truc classique. Un épisode tous les 15 jours, qui, j'espère, derrière, sera enchaîné avec des capsules. Mais malheureusement, rien n'est moins sûr. Enfin, rien n'est moins sûr, si, on va trouver, quoi. Maintenant, je vais vous parler des autres trucs qui sont arrivés à côté. Donc, on va parler... le off, comme vous avez pu l'entendre, en fait, on s'est laissé prendre au jeu. Hein. Des super découvertes, des super groupes, on s'y attendait pas. Et ça, c'est... c'était vraiment chouette à faire. L'épisode du motoc, ça m'a semblé aussi un peu être cohérent avec ce qu'on faisait. Et ça va dans ce sens-là. Et puis, à côté de ça, vous savez tout ce qu'il y a qui revient maintenant régulièrement, c'est les interviews du Graf, quoi. Et là, vous pouvez vous dire, disons, c'est bizarre, Jack. D'habitude, elle commence plus tôt. Et oui, et le sachez-vous, Jack de Road to Hellfest, qui est un peu dans la programmation du Graf, qui a réussi à placer Warm Sand, qui s'est battu bec et ongle pour les avoir... et qui, depuis l'été dernier à peu près, avait commencé à défricher des infos pour faire des interviews, il a commencé bien tard. Parce que justement, encore une fois, il s'est soit très mal organisé, soit il a été dispersé, enfin... Bref. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, je suis en plein dedans, en fait. Je suis en plein dedans dans le sens où j'ai contacté la majorité des groupes. Pour tout vous dire, si je dis pas de conneries, j'ai dû contacter tout le monde, sauf Warm Sand. Parce que je voyais pas forcément l'intérêt d'en faire une troisième après celle de l'an passé et celle du West Hill. Même si j'adore discuter avec Clément, je voyais pas forcément la pertinence ou de choses à dire de plus, en fait. Donc je me suis dit, ça servait un peu à rien. J'aurais trouvé des trucs et bricolé, mais j'avais pas envie de faire du bricolage, en fait. Et 1056, là pour le coup, c'est moi, en fait, qui ai dit directement à Thomas du Graf, écoute, si tu veux que je le fasse, je le fais. Moi, j'y tiens pas. Et en fait, j'y tiens pas pour la simple bonne raison que j'avais déjà donné mon avis bien négatif sur le groupe à l'époque du warm-up, en tout cas de leur prestation live, et que j'avais pas forcément envie d'aller contre ce côté-là de moi où j'ai dit des trucs négatifs. Pas, enfin, s'il faut le faire, je peux le faire, mais je voulais pas y aller, quoi. Et donc il m'a pas insisté là-dessus, il m'a rien dit, mais voilà. On en est resté là, et sinon bah, j'ai lancé à peu près tous les groupes. Donc là, vous voyez, là, je suis dans la rue où habite Tonaï. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça fait de chez moi. Tonaï et moi, on est vraiment à côté, quoi. C'est pour ça qu'on se retrouve à pied quand on peut, parce que c'est toujours mieux de boire à pied qu'en voiture. Donc, j'ai refusé. Ces deux-là, je les ai mis de côté. À Kavel, vous avez entendu. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours des off à ces trucs-là. Il y a toujours des off, des trucs que tu as envie de dire, des trucs que tu sais pas si tu as le droit de dire. Mais c'est... Ah, c'est... Je veux faire de la mauvaise pub ou de la pub à personne. Donc je vais pas griller les... Pas les trucs, mais en fait, il y a des choses que je veux régler et savoir. Mais bref, je suis un peu, comment dire, énigmatique dans ce que je dis, mais il y a toujours des trucs un peu... Enfin, c'est bizarre, quoi. Bref. En tout cas, le fait est que j'ai lancé un premier message à quasiment tous les groupes et relancé quasiment une bonne partie des groupes. Parce qu'entre deux, il y en a qui m'avaient répondu, avec qui on a échangé, et qu'on échange encore, on essaye de mettre des trucs en place. Alors il y a des groupes, ils sont là, ils sont dit « Ouais, pas de problème, est-ce que tu es dispo demain ?» Je fais « Wow, tu n'as pas encore vu ce que je fais, mec, sinon tu verrais que je ne peux pas être dispo déjà demain. » Et des gens avec qui, bah, que j'ai dû discuter même au téléphone pour un peu expliquer ce qu'on faisait et leur dire que... Bah voilà, ouais, mais on fait comme ça vous arrange, les gars. Moi, j'essaye d'être consignant. Ouais, mais toi, tu veux quoi? Je dis, bah, moi, je veux que ça soit facile pour vous. Oui, mais tu veux tout le groupe ou toi? Bah, le plus simple, comme vous pouvez. Et donc, bah, il y a des fois où il y a des trucs que je dis, on me dit, bah, si tu veux tout le groupe, ça sera plutôt un week-end. Mais si tu veux moi tout seul, et ben, ça peut être un matin où toi, t'es dispo. Je dis, bon, bah, plutôt un matin où toi, t'es dispo, alors, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de discussions. Et puis, t'en as qui te répondent juste pas. Et pas dans les plus petits, sachez-le. Dans les bien gros même, hein, qui te répondent pas, et que tu relances via des intermédiaires, qui te disent « Ouais, bah, je vais lui dire de te répondre. » Que dalle. Alors, je vais pas vous mentir. Moi, si on me répond pas, ça me fait moins de boulot. Mais en même temps, tu dis « Eh ben, d'accord. Eh ben, écoute, c'est pas grave. » Bref, en fait, ce truc-là, c'est ce qui est bien, c'est que ça te réapprend. Alors, oui, contrairement à ce que vous pensez, vraiment, contrairement à ce que vous pensez, je n'ai pas d'ego. C'est-à-dire que les gens qui viennent et qui me disent « c'est de la merde ce que tu fais », j'entends. Après, on peut ouvrir le dialogue et discuter de « pourquoi ?» Mais j'entends et ça ne me pose aucun problème. Et les gens qui se disent « non, mais franchement... » En fait, je préférais même qu'on me dise ça. « Écoute, ton podcast, il ne fait pas d'audience » ou « ton podcast, c'est nul, c'est du bordel, je ne veux pas participer à ça. » J'ai aucun problème avec ça, moi. C'est pas du tout... C'est pas du tout de problème. Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui participent soient contents. Pas que ceux qui veulent pas participer se forcent, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je peux comprendre que les gens, ça les intéresse pas. Et alors là, je suis reparti, par exemple, je vous ai pas dit où, mais je suis reparti à un autre endroit, par un chemin que j'ai encore jamais fait à pied. Et donc, il faut traverser des routes où il n'y a pas de passage piéton. Mais c'est pas grave, ça arrive. Et donc, il y a des groupes qui m'ont pas du tout répondu. Il y a des groupes qui sont hyper motivés. Et ça fait plaisir. Et donc, il me reste encore des interviews à organiser. Et à faire. Et ça aussi, bah, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc, et j'ai peut-être même aussi d'autres choses en parallèle en termes d'interviews. Alors pas forcément de groupe, mais d'autres choses qui sont liées, que je dois aussi organiser. Ce qui fait qu'en fait, là aujourd'hui, je vais pas vous dire que je suis débordé, parce que je vais faire... Théo des micro-critiques m'avait tenu un message un peu comme ça, en disant « Ouais, mais ça va aller, comment tu fais et tout ?» Et je lui ai dit « Écoute, le mieux, c'est de ne pas y penser, comme ça, je vois pas le problème. » Et c'est un peu ce que je fais, en fait, je n'y pense pas. Je n'y pense pas pour éviter de voir le problème. Donc, en tout cas, le fait est que j'ai des choses à faire entre deux épisodes et entre cinq capsules, mais que j'essaye du moins, j'ai essayé de tenir un peu les engagements. Et cette semaine, bah, j'ai raté. Voilà, donc... Bah c'est chiant, ça me fait chier, c'est le premier lundi où vous allez rien avoir, c'est le premier lundi où bah c'est un échec, quoi. Un échec de... Enfin c'est un échec, non, un échec c'est si jamais vraiment j'arrive pas à sortir quelque chose de ça. Si j'arrive à récupérer et à le sortir plus tard, c'est pas un échec. Mais c'est chiant, je voulais que vous ayez un petit peu toujours quelque chose à grignoter, voilà, à écouter, à grignoter tranquillement en début de semaine, que je vous laisse pas plus d'une semaine sans rien. Donc j'en suis arrivé à enregistrer des monologues de moi tout seul. Pour tout ça, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Ah tiens, je suis dans une... Écoutez, je découvre. Il y a un centre aéré là, ou un foyer. Non, c'est pas un foyer, ça c'est quoi? C'est une crèche? C'est une crèche? Bah, il y a une crèche. En fait, je suis dans une espèce de zone qu'on appelle l'agglo. Hein, c'est l'agglo. Et en fait, je me rends à un endroit très précis de l'agglo. Parce que je suis passé devant l'autre jour, qui est donc littéralement... Mais alors, littéralement de l'autre côté de mon boulot. Et... c'est parce que je voulais faire un petit truc marrant. Enfin marrant, je peux pas dire que c'est marrant. Enfin c'est vous qui direz si c'est marrant après. Bref, donc il y a d'autres trucs. Il y a plein de choses que je... En plus à côté de ça que je voulais lancer, comme de justement peut-être interviewer d'autres groupes ou faire d'autres machins. Et puis bah je manque de temps. Je manque pas forcément de motivation, mais je manque de temps. Parce que... Je manque de temps et sûrement d'une très mauvaise organisation. Enfin voilà, donc ça c'est à peu près donc j'en étais où? Les interviews du Grave, donc c'est en cours, il y en a encore qui doivent se faire, il y en a encore qui doivent s'organiser. C'est un peu là le plus dur, c'est plus de trouver un créneau avec les gens pour que ce soit cool pour eux et pas trop chiant pour moi, quoi. Vraiment les gens qui sont motivés, ils sont vraiment adorables et ils font tout ce qu'ils peuvent. Là, je peux vous dire qu'il y en aura au moins 3, qu'il y en a, bah, du coup, plus 10 statistiques et en tout, il y en aura 5 qui ne seront pas faits, ça c'est sûr. Et les autres, bah, je vais essayer de me battre un peu pour que ça soit fait et bien fait. Donc, il faut juste que je trouve un système d'organisation bien meilleur. Donc, voilà, là, j'arrive à un endroit un petit peu rigolo. Enfin, rigolo, je sais pas. En fait, non, j'arrive déjà à une aile de mon boulot, parce que moi, mon boulot, il est réparti sur une rue entière et c'est énorme. Donc j'arrive à une aile de cette... une autre aile un peu plus loin de mon boulot, qui est plus proche de chez moi. Et je suis donc là, techniquement, face à un truc de boisson, et d'un côté et de l'autre, je suis face à une brasserie. Je suis face à la brasserie Bifrost, qui est une bière donc locale et que je bois. Et donc ce que je trouverais rigolo, c'était... Hop, je prends mon petit Instagram. Hop, Instagram, on va aller sur Bifrost, Bifrost Brasserie, voilà, Brasserie Bifrost, on y est, hein. Bonjour, voilà, c'est ça, et je vais leur écrire un message en espérant que ce soit les bons. Est-ce que c'est vous? C'est vous? Ouais, c'est ça. Donc déjà, on les suit, hein, c'est toujours mieux, et je leur envoie un petit message. Bonjour, Brasserie Bifrost, hop. Pas toujours facile d'écrire en... C'est même carrément relou. Putain, j'arrive pas à voir, j'ai le soleil dans les yeux. Bi... Hop, voilà, super. Bi... Frost... Ah ouais, non, c'est passionnant ce podcast. Brasserie Bifrost. Nous sommes un petit podcast qui parle de musique. Musique, mais... et on se demandait si vous étiez du genre à faire du partenariat. Genre, nous, on accepte vos bières, entre parenthèses, parce qu'elles sont délicieuses. Délicieuse. Et pendant nos épisodes, on dit tout le bien que l'on pense de vous. Clin d'œil. Hop. Bon, ouais, je pense que c'est pas mal. Alors, on en pense quoi? Je n'aurais pas forcément tourné comme ça, hein, en vrai. Je relis vite fait. Un petit peu demandé, c'était du genre à aller faire du partenariat. Genre, on accepte vos bières parce qu'elles sont délicieuses et pendant un épisode, on dit tout le bien qu'on pense de vous. On en pense quoi? Et surtout, j'oublie pas, et surtout, comment ça va? Et là, on met un petit smiley gentil. Voilà. Voilà, c'est exactement comme ça que je procède. Oui, je suis fou. Et alors, tant que personne ne le remarque, tout va bien se passer. Alors, bon, je n'ai aucune idée depuis combien de temps j'enregistre. Et j'ai perdu l'autre moitié de mon poumon. Et puis, bah, j'ai commencé à repartir chez moi tranquillement parce que, bon, je crois, comme je vous l'ai dit, j'ai une petite interview à préparer. Et ça serait pas mal de m'y employer, comme on dit. Surtout qu'après, il y a un épisode à préparer. Et après, bah, j'ai une autre interview à préparer. Et encore, je vous parle pas de ce que j'ai à faire pour le boulot. Donc, bah, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Comme ça, ce serait bien que j'arrive à meubler jusqu'à chez moi. Comme ça, on aura fait un petit bout ensemble. Et puis, voilà. Donc, bien sûr, suite à ce mini épisode, vous avez complètement le droit de venir m'insulter. C'est même un peu normal. Oui, c'est pas normal, on n'a pas d'épisode. Oui, tu te fous de notre gueule. T'as passé ton temps à te branler les couilles, on te connaît. Oui, de toute manière, nous, ce qu'on aime, c'est tonaille. Bon, bref. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je viens de faire ce que j'avais à faire. Et je vais essayer de continuer de faire ça. Oui, parce que... Ah, je parle. Et ça, hop, hop, hop, ça fait pop, pop les pop-corns dans ma tête. Hein. Non, il y a d'autres choses qu'on voulait faire. On a même parlé avec la team de pourquoi pas faire des espèces d'objets de merch. Genre, on a réfléchi. Il y a plein de trucs qui sont partis. Bon, ça, c'est pareil. On arrivera. Je pense qu'on n'arrivera pas à le mettre en place pour des questions et de budget et de temps et de choisir c'est quoi le meilleur truc. On n'est pas forcément... tous d'accord ni tous fermés. Moi je suis beaucoup plus porté sur un décapsuleur. Me demandez pas pourquoi, mais un truc utile en fait. Parce qu'après les t-shirts c'est hors de prix. En fait je sais pas si on voudrait du merch à vendre ou du merch à vous donner. Donc ça c'est un vrai problème. Je vais garder le silence parce qu'il y a une mer et une poussette. Donc je me suis dit qu'elle allait peut-être avoir peur de voir un mec un peu chelou parler tout seul. Donc voilà, on pense à ça aussi, on essaye, on regarde. Ou bien sûr, on pense aussi à des stickers. Vous savez, des trucs à donner. En fait, je vais vous donner un exemple de paradoxe, très clair. Les stickers, c'est trop bien. D'accord? T'as des stickers. Tu t'en donnes, c'est de la pub gratos, ça va, tac, tac, tac. On fait un petit QR code dessus, les gens vont écouter ou pas, mais ça marche. Problème, on sait que par exemple sur le Hellfest, ils disent attention, c'est interdit de le faire. Ok, est-ce que à un moment donné, venir polluer avec des trucs à un endroit qui a dit qu'on ne veut pas, est-ce que derrière c'est pas prendre un risque de se faire taper sur les doigts en mode dis donc, il est bien mignon ton petit podcast qui utilise une part de notre nom qui est déposée et avec lequel on est déjà gentil de tolérer l'existence, mais le fait que tu viennes polluer le site et tout ça. C'est non, et pour bien te le faire comprendre, eh ben, plus d'accrède mon pote. Je vais peut-être loin en besogne, mais en vrai, est-ce que c'est pas si déconnant que ça? Est-ce que les stickers c'est une bonne idée, mais d'une façon, comment dire, mieux en fait? Ou alors genre pas du tout sur le site du festival, peut-être plus sur le camping. Un truc un petit peu détourné, je pense qu'un truc détourné se passerait beaucoup mieux. Que ce soit sur le camping, sur le Leclerc... à des endroits en fait pas liés directement avec le festoche, des trucs d'existence, mais voilà, qui ne permettraient pas de se faire forcément griller. Après, je suis peut-être parano, je m'invente peut-être des histoires. Donc voilà, on pense forcément à faire des stickers. Et je vais pas vous mentir, les stickers, ils sont prêts depuis plus d'un an. Ils sont prêts, le design est fait, normalement j'ai plus qu'à passer commande. Mais bon, est-ce que j'ai pris le temps de le faire? La réponse est non. Pareil. Est-ce qu'on continue avec ce logo? Bah ouais, parce que bon, c'est pas qu'il est pas sympa ce logo, au contraire, il est bien, mais c'est un logo qui nous enterre toujours dans ce truc, parce que je le redis encore cette année, mais moi, je pense à l'après, en fait. Je pense au côté Road to Hellfest ou Just Road to Hell, quoi. Le côté RTH plus que... Enfin, Hell plus que Hellfest, techniquement, je veux dire, le côté... On parle du festival, mais on voudrait aussi parler d'autre chose, quoi. On voudrait pas forcément en se limiter... que ça. Après, on pourrait parler de plein de festivals, Road to 3 petits points, ce que tu veux. Voilà, mais bon, Donc c'est pareil, ça, on en parle, on en parle, on en parle. Enfin, et puis moi j'en parle aussi beaucoup tout seul, surtout. Quand je dis on en parle, c'est moi et moi-même. C'est moi assis de chaque côté de la table, on est quatre, et jamais on arrive à tomber d'accord. Donc il y a ce premier petit truc là. Ce qui est marrant, c'est que plus je marche et plus je parle, et plus je vois que ça a l'air, mais incohérent ce que je dis. Incohérent de malade. Et je vois des gens passer en voiture et je vois bien qu'eux aussi se disent putain, il y a le fou du bus qui est en train de parler dehors. C'est très marrant. Heureusement que je ne suis pas dans une petite ville où tout le monde se connaît un peu visuellement. Heureusement pour moi. Donc voilà, ça c'est dit. Donc les stickers, ça c'est fait. L'avenir. Ah, est-ce que je parle de l'avenir? Est-ce que je parle vraiment de la suite? Est-ce que je parle vraiment de ce qui va se passer? Ah, je peux en toucher deux mots. Moi, je ne vais pas vous mentir, on a souvent évoqué la fin de Road to Hellfest ou des gens qui arrêtent Road to Hellfest. Je ne vais pas vous mentir, l'année prochaine sera forcément une année charnière. Vous voyez, je veux dire, on sait tous qu'on se dirige vers un changement potentiel du Hellfest. La vraie 20e édition, les vrais 20 ans, c'est ça, hein, c'est les vrais 20 ans, je dis pas de conneries. Oui, les vrais 20 ans, 2017, oui, c'est ça. Les vrais 20 ans, des changements potentiels au sein du staff, des changements potentiels qui peuvent se ressentir d'une autre manière. Et notre 10e année de podcast, donc ouais. Ah, je viens de penser à un truc, faut que je dis, on parle après. Donc ouais, je pense vraiment que ça sera une année, j'ai pas envie de dire la dernière, peut-être la dernière sous cette forme. Peut-être la, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas techniquement envie d'arrêter de parler totalement du Hellfest, mais peut-être renouveler un truc et parler d'autre chose. En tout cas, oui, forcément, 10 ans, c'est important et ça use. Et puis, bah, du coup, je peux faire charnière, ça use dans le sens où aussi, bah, cette année, en fait, l'ajout de la vidéo, comme il nous a été beaucoup demandé, ça a un prix, en fait. Ça a un prix, déjà financièrement. On a un peu investi, Bob de son côté, moi du mien. Là, on doit être, je sais pas, je pense qu'on est tous les deux entre, je dirais, je dis pas de conneries, hein. Je pense qu'on est entre 700, je dirais 700, 900 euros peut-être. Je pense Bob un peu plus que moi. Chacun, on a investi ça et je vais pas vous mentir, hein, le Tipeee, ça couvre pas, hein, on va se mentir. Heureusement, on fait pas ça pour l'argent. Mais le temps de montage, quoi, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, vous voyez. Quand je vous disais que samedi, j'étais encore en train de tourner des trucs pour le truc que vous ne regardez ou n'écoutez pas aujourd'hui, et ben, en parallèle, j'étais en train de monter le deuxième épisode des Off du Leclerc en vidéo. Et c'est long, quoi. C'est très, très long. Ça prend du temps. La semaine dernière, la première partie, elle a été décalée d'une journée parce que j'en suis arrivé à un point où je lance l'export de la vidéo mardi soir, vers 21h, je me couche, je me lève à 4h, je regarde le résultat, je vois qu'il y a une merde dans la vidéo. Je suis obligé de le refaire mercredi après-midi. Mercredi après-midi, je le fais, je l'upload, je le sors jeudi matin. Et jeudi matin, Max, il vient me dire, il y a un problème avec le son. Bah ouais, parce que j'ai encore oublié une boulette. Donc là, les épisodes du off, ils m'ont pris vraiment, vraiment beaucoup de temps à monter parce qu'il a fallu couper à chaque fois, rajouter les vignettes du groupe, créer. En fait, le fait d'avoir rajouté une douzaine d'extraits par épisode avec de cette façon-là, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Et c'est pas. Et je dis pas ça en plus pour me plaindre ou quoi que ce soit, c'est factuel en fait, juste ça m'a donné beaucoup de boulot. La vidéo en général me demande beaucoup, beaucoup de boulot. Alors j'ai essayé d'industrialiser la chose en faisant des copier-coller de machin et de gagner du temps, mais du coup il y a beaucoup d'erreurs qui sont ressorties. Il y a un épisode qui n'a pas le bon numéro, il y a l'épisode de la semaine dernière, le son est doublé parce que je n'ai pas effacé la piste de la caméra. Donc bref, vous voyez des trucs comme ça. Et là, l'épisode de la partie 2 du off, qui est censé sortir mercredi matin, il me manquait la vignette de Mu. Et ils me l'ont envoyé hier soir, les gars, et je crois que c'est bon. Après, je vais vous donner un exemple de trucs qui prennent un peu de temps et qui sont ridicules. Bah, par exemple, je fais une vignette pour tous les groupes où je mets un extrait, d'accord? Donc comme vous l'avez pu l'entendre, il y a aussi un extrait pour les groupes qui sont passés au tremplin. Mais au tremplin, il n'y a pas de vignette. Donc j'ai commencé à me dire, ok, comment je vais les mettre en avant visuellement? Parce qu'il n'y a pas de vidéo à ce moment-là. Il n'y a pas de vidéo sur le moment où, où il y a un extrait de... Enfin, comment dire, il n'y a pas de vidéo, c'est pas clair ce que je dis. Je veux dire, les extraits sont des moments où il n'y a pas de vidéo, vu que j'ai décidé de mettre les extraits après, vu qu'on a mal géré le truc encore. Bah, donc on n'a pas de vidéo, donc faut que je vais pas laisser du noir juste parce qu'il n'y a pas ça. Donc j'ai essayé de trouver un système pour parler du groupe et tout, enfin le mettre visuellement dans la logique. Donc ça m'a aussi pris un peu de temps, ça. Et du coup, ça m'a pris de temps parce que j'ai voulu mettre en place, j'ai voulu mettre un truc animé, on va dire, plus qu'amusant. Et en fait, le truc, bah, il ne fait pas la durée de ce que je veux. Donc en plus, il a fallu que je télécharge ça en version vidéo pour le côté animé et une version photo pour... voilà. Enfin bref, c'est que des petites galères. Et tout ça, bah, ça a pris pas mal de temps de mon samedi après-midi. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est un truc qui m'a un peu mis dedans, je ne vais pas vous mentir. Enfin bref, écoutez, j'espère qu'il y aura eu un peu d'intérêt à tout ça. J'espère que ça fait aussi pas trop juste mec qui se plaint, parce que c'était pas le but, c'était plus une espèce de voilà où j'en suis là aujourd'hui, voilà pourquoi il n'y a pas d'épisode et je suis encore une fois désolé pour ça. Et que j'espère que vous ça va, hein. Ça c'est important, hein. Ça c'est comme le Bifrost, hein. J'espère que vous ça va. Tiens d'ailleurs, avant d'arriver chez moi, car j'arrive dans 30 secondes, est-ce qu'ils ont envoyé il y a 11 minutes quand même, hein. Ils n'ont pas encore regardé, eh ben super. Eh ben je le prends mal, eh ben, je suis vexé. J'achèterai plus jamais de vos bières. Voilà, écoutez, je vous laisse là. Moi j'arrive pile poil chez moi. Donc au petit portillon que j'ai poussé tout à l'heure et qui fait du bruit, c'est un indice chez vous, comme je vous l'ai dit. Comme j'ai déjà dit je crois une fois, c'est un petit portillon. Écoutez, je vous le fais écouter. Écoutez. Voilà. Alors bien sûr on pourrait dire mais enlève-moi ce bruit. Mais comment je pourrais savoir si quelqu'un rentre chez moi? Bref, les gens, ben, je vous aime et je vous emmerde. Et puis bah on se retrouve rapidement et désolé que vous ayez que ça à écouter cette semaine. Ciao. Try to